Puis, il est tout ce que je veux, tout ce qu'il y a en moi, qui se porte comme un vœu, comme une profession de foi. S'il n'y avait pas de Dieu, c'est lui qui serait ma croix. Lui, il a mis dans mon regard la lumière qu'il n'y avait pas. Il est devenu mon art et mon artiste à la fois. Je ne pourrais plus avoir aucun autre homme dans mes bras. Aucun autre homme dans mes bras. Quand on est deux à aimer, le même homme, la même année, le même jour, la même seconde. Quand on est deux à l'aimer, comme s'il était le dernier, comme s'il était seul au monde. Lui, quand il a posé sur moi, et son regard est avait-il compris déjà que c'était la première fois que je sentais sur mon corps le diable que je veux encore? Lui, je savais qu'il arriverait comme le jour après la nuit, comme ce rêve que l'on fait et que jamais on. Je savais qu'il serait là quand j'aurais besoin de lui, quand j'aurais besoin de lui. Quand on est deux à